Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Care. C'est encore Julien pour vous servir. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui revient sur le devant de la scène médiatique. Je parle bien sûr du cannabis. Alors nous allons voir qu'il y a plusieurs sujets en un. Nous allons parler du cannabis thérapeutique. Nous allons aussi parler du THC et du CBD. Et nous allons voir un petit peu ce qui est aujourd'hui en France illégal et ce qui n'est pas vraiment légal mais qui est quand même en vente libre. Et justement, je vous propose de commencer ce sujet par un produit que vous pourriez trouver en vente libre dans certaines boutiques en France, le CBD. Alors le CBD, qu'est-ce que c'est? Bon, le plus simple, c'est de demander à quelqu'un qui s'y connaît et qui le vend en fait. Bonjour, donc je suis Anthony Busnel, le gérant de la boutique Elidja sur Lyon. Alors le CBD, c'est CBD cannabidiol, c'est un cannabinoïde qui est présent dans le cannabis. C'est la deuxième molécule la plus représentée donc après le THC. Alors pour un peu résumer tout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, le THC est illégal, c'est une molécule psychoactive. En gros, en très gros, c'est la molécule qui défonce. Et le CBD, elle, serait une molécule qui serait légale. Bon, alors ça aussi, j'ai posé la question. D'accord, ok. Donc c'est une molécule qui est légale. Qui est pour l'instant légale, oui. D'accord, et c'est aussi légal le fait d'avoir moins de 0,2% de THC dans le produit. Ça, c'est autre chose. C'est pas illégal. C'est compliqué, on va dire. En fait, normalement, au vu de la loi européenne, on a le droit donc à avoir 0,2% de THC dans un produit. Mais le rapport tout récent d'Amil Deka, paru la semaine dernière, lui nous dit que non, le 0,2 serait dans le produit chanvre en train d'être de pousser, si je peux dire, dans la plante, mais que dans le produit fini, il faudrait avoir 0. Donc aujourd'hui, on est un peu dans un flou. Est-ce qu'il faut écouter la loi européenne? Est-ce qu'il faut écouter la loi française? Normalement, dans le droit, c'est la loi européenne qui prévaut sur les droits nationaux. On est un peu dans le flou. Vaste débat. Très vaste. Ok, alors le CBD, il se présente sous quelle forme? Alors, on a différentes formes. On va avoir la forme huile, on va avoir la forme sous gélule, la forme de liquide, la forme crème, pommade, sa forme cristal, qui est sa forme pure. On va avoir sous forme de hache, sous forme de fleurs, et voilà à peu près. Ah, c'est vraiment super varié en fait. Ah ouais, ça touche, on touche on va dire tous les panels. On a vraiment donc les pommades, on passe de la pommade crème hydratante pour main qui va plus aider contre les démangeaisons, le psoriasis, choses comme ça. On va avoir les crèmes pour les douleurs musculaires, on va avoir même les crèmes pour jambes lourdes. J'en ai même mis la Varica spéciale jambes lourdes au CBD, donc vraiment porté sur un public féminin, même on peut voir que le packaging est quand même violet. On a un panel de choix pour tous les goûts, pour toutes les couleurs, autant ceux qui préfèrent le vaporiser, ceux qui veulent l'ingérer, voilà, mais pas sous forme d'huile, on l'a sous forme de gélule comme un cachet. C'est vraiment complet. Alors il faut savoir que même au ministère, c'est pas clair, puisque c'est Agnès Buzyn, la ministre de la Santé elle-même, qui a dit dans un article du Monde, qui datait du 17 juin 2018, qu'il y avait un flou sur le sujet, et donc qu'il fallait statuer dans les mois à venir. En attendant, il y a des clients qui viennent consommer du CBD dans toutes les boutiques de France. Alors la question que je me suis posée, c'est qui sont ces clients? Donc c'est assez varié, mais on arrive quand même à enlever une partie, on va dire, c'est les jeunes. C'est bête, mais les jeunes, c'est pas ceux... En fait, ben, c'est plus cher que la normale, on va dire. Donc ça les arrête déjà tout de suite, quasiment. Et on va dire, c'est voilà, ils essayent, voilà. Mais la clientèle qui va revenir le plus souvent, c'est trentenaire. Et même après, des personnes beaucoup plus âgées, en fait, qui ont rien à voir, on va dire, avec le côté cannabique ou rasta ou reggae, mais qui, voilà, qui par les échos qu'il y a aujourd'hui, autant par la presse ou quoi que ce soit, ont entendu dire que le CBD pouvait les aider pour quelques douleurs. Et donc, j'ai beaucoup de personnes entre 50 et 70 ans maintenant qui viennent depuis une à deux semaines et vraiment s'intéresser au THC, savoir ce que c'est, essayer de comprendre et voir si ça pourrait pas leur convenir. Voilà. Alors ça aussi, le CBD, on n'a pas le droit de dire que c'est un médicament, c'est ça, hein? Exactement, c'est interdit parce que moi personnellement, j'ai aucun diplôme de santé, donc je peux pas, voilà, je suis pas un conseiller médical, rien de tout ça. Donc non, aujourd'hui, c'est pour ça que c'est ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on laisse les gens prendre eux-mêmes l'information, ou on les invite à aller prendre de l'information sur tel site, avec tel livre, voilà, mais on peut pas leur délivrer nous-mêmes l'information, si je peux dire. Alors, c'est là où tout devient un petit peu plus compliqué. Parce qu'en fait, le CBD, en soi, ce n'est pas du cannabis thérapeutique. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Nicolas Autier, chef de service de pharmacologie médicale au CHU de Clermont-Ferrand. Alors, lors d'une interview donnée au journal La Montagne, ce médecin expliquait que le cannabis, en fait, thérapeutique, il fonctionnait si et seulement si le CBD était joint au THC. Et c'était les deux molécules ensemble qui donnaient les effets thérapeutiques. Selon leur dosage, les effets étaient différents. Et en fait, après, on pouvait même imaginer différentes posologies adaptées aux pathologies selon les dosages. Si jamais un jour, le cannabis thérapeutique, donc CBD plus THC, si vous suivez, devenait légal. Mais alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que le cannabis thérapeutique, ça fonctionne et sur quoi ? Alors, on sait que le cannabis thérapeutique, ça pourrait fonctionner sur les douleurs chroniques, la spasticité et les nausées liées à la chimio. Le seul problème, c'est que 1. On n'a pas beaucoup de recul sur le produit, on ne sait pas trop les effets à long terme et ça, c'est très compliqué de le savoir. Et 2. C'est que les études qui sont faites sur le sujet sont des toutes petites études faites sur un petit nombre de personnes. Donc pour avoir des preuves très solides qu'une molécule fonctionne bien, il faut faire des études sur un très grand nombre de personnes, plusieurs milliers en général. Mais ce genre d'études, ça coûte très cher et c'est pour ça qu'aujourd'hui, certains chercheurs en appellent à l'État pour financer ce genre d'études et de projets. Bon, une fois qu'on s'est dit tout ça, on n'est pas plus avancé. J'ai même Antoine qui m'a confié avoir des clients qui étaient revenus le voir pour le remercier. En effet, pour eux, le CBD avait été efficace sur des symptômes qui se traînaient parfois sur des années. Alors, que penser de tout ça ? Le CBD soulagerait-il ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut laisser la possibilité aux patients de s'exprimer sur ce sujet sans qu'ils se fassent juger. Les choses sont en train de changer et au final, il faut voir le débat sous trois angles différents à mon sens. 1. Doit-on légaliser le cannabis récréatif ? 2. Doit-on légaliser le cannabis thérapeutique ? Et en troisième position, le CBD doit-il être interdit ? Moi, je vous laisse avec ça, je n'ai pas les réponses. Par contre, merci à ceux qui m'ont justement donné de quoi réfléchir. Je veux bien sûr parler de Antoine, de la boutique Elijah à Lyon et de Victor, pharmacien sur Twitter. Voilà, c'est terminé, on a déjà fumé tout l'épisode. N'hésitez pas à le faire tourner et à échanger avec nous sur Twitter. Je tâcherai de mettre le maximum de liens avec ce podcast pour que vous puissiez avoir le max d'infos possible. Bonne journée et bel été.